quel désastre pour le Parti québécois. Et crétins comme ils sont, ils vont quand même prendre Boisclair. Martin, les prochaines années vont être vraiment rigolotes. On sera pas là pour rire, mais maudit que ça va être drôle. Moi, j'espérais pour Pauline Marois. Il me semble que j'aurais pu me moquer d'elle encore plus, là, mais... Puis je me suis dit, c'est sûrement elle qui va se casser la gueule le mieux, parce qu'elle est tellement prétentieuse puis hautaine. Mais ça a l'air qu'ils vont voter pour Boisclair. Là, dernier sondage, tu nous as parlé un peu, 71% des Québécois accorderaient leur appui à Boisclair. chez les supporters péquistes, le soutien est encore plus marqué, 86%. Et on a posé la question, si vous aviez à choisir le chef du Parti québécois, et les partisans du Parti québécois interrogés ont répondu pour près des deux tiers, 64% pour Boisclair. Et Pauline Marois continue à descendre, elle serait à 18%, puis Legendre à 5%, et Louis Fatlips Bernard à 2%. C'est inespéré. Je peux te poser une question? Oui. Où tu es allé te faire couper les cheveux pour que j'aille là? Ah, oh, je suis allé chez Annie. Annie, OK. Hein? Annie, mademoiselle Annie du salon... Non, dis-les pas. Salon Harmonie sur le boulevard Bastien au coin du comment boulevard de la colline. Boulevard Bastien. C'est une jeune femme qui coupait les cheveux à Sainte-Foy. Puis elle travaille maintenant dans un salon sur le boulevard Bastien. Puis c'est une personne que j'estime beaucoup. Puis okay. Qui me coupe les cheveux comme je les aime. Je vois ça. C'est quoi? Ben là, on appelle ça un crew cut. C'est un crew cut. Marine cut. C'est un crew cut. C'est au numéro 2 sur les côtés, et... au numéro 3 sur le dessus, oh, au numéro 4 dans la moustache. Il y a une petite différence de côté et le dessus. Regarde, c'est beaucoup plus long sur le dessus que sur les côtés. Beaucoup plus long, oui, effectivement. Moi aussi, ça me fait couper les cheveux hier. Ben, vas-y, tu peux y retourner. Ben non, mais c'est pas bonjour long. À mademoiselle Annie de ma part. Mademoiselle Annie. Annie. Bonjour. Et, vas-y. Va. Ah. Mais là, moi, je veux pas aller virailler sur le boulevard Bastien, là. Le problème, c'est qu'autrefois, elle était au salon qui est au coin de Duplessis, et je pensais une fois, je pouvais y aller à pied. Ben oui. Et là, elle est plus loin. Là, okay. Je peux aller plus loin. C'est bon. T'es fidèle. Bravo. Bon, oui, je suis très fidèle. Alors, hier, on a eu tout un spectacle aussi, un spectacle d'ex-péquistes et probablement d'anciens partenaires de Parti Oula Oula. On a eu Jean-François Bertrand avec Claude Charon à la télévision hier. Et c'était des vous comme M. Bertrand, M. Charon. Ben voyons donc. On se connaissait pas, là. C'était des collègues ministres. Oui, puis ils doivent avoir fait quelques parties ensemble, hein. Qu'est-ce que c'est des hypocrites? Ça se peut-tu, hein? Et est-ce que Jean-François Bertrand lui a dit, « Et alors, Claude, qu'est-ce que tu faisais en Thaïlande lors du tsunami? » Est-ce que la question a été posée? Je pense pas, non. Bon, non. Moi, des questions de même. Comment tu trouves quand on apprend que le chef de cabinet de Boisclair, Luc Doré, est un cocaïnomane qui a été pogné à frauder le gouvernement pour 30 000 piastres alors qu'il était chef de cabinet de Boisclair. C'est lui qui choisit son chef de cabinet? Oui. Ça fait mal, ça. Un ministre ne choisit pas son sous-ministre. Il choisit son chef de cabinet. C'est ça. Ça fait mal. Ça démontre bien des choses. Est-ce que... De deux choses l'une. Ou bien Boisclair et Doré ne savait pas que l'autre prenait de la cocaïne. Sure. Alors qu'un était le chef de cabinet de l'autre. Les gens se reconnaissent qui prennent ça, André. Hein. Ou bien, c'est ça. Les gens qui prennent ça, souvent, ils se reconnaissent très vite. As-tu fait la caricature, Journal de Québec? Oh, il était 40. T'as quatre bébites qui viennent prendre le départ d'une course, et il y en a un qui a le nez sur la ligne blanche. C'est fort, hein. On les reconnaît, évidemment. C'est les quatre leaders de la course à la chefferie.